Plage 3. Modifiez vos croyances. Exercice du bon élève. Nos croyances ont la fâcheuse tendance à nous jouer des tours en nous montrant l'existence telle que nous l'imaginons et non pas telle qu'elle est en réalité. Ainsi, peut-être croyez-vous être né pour accomplir un travail désagréable qui ne vous satisfait pas, pour lequel vous êtes mal payé. Mais surtout, croyez-vous peut-être que vous devrez passer l'intégralité de vos années de labeur dans ces conditions parce que vous ne méritez pas mieux que cela. Bien sûr, il n'y a rien de plus faux. Mais néanmoins, vous le croyez et c'est ce que vous vivez. À force de croire que vous êtes un être peu ou pas doué, ces croyances se sont enracinées en vous et vous n'imaginez pas pouvoir obtenir une vie professionnelle heureuse et accomplie. Alors, que vous le pouvez, sans aucune restriction. Ces croyances ne sont rien d'autre que des images, des visions et des chimères. En d'autres termes, elles sont le fruit de votre imagination et rien d'autre. Mais elles n'ont aucune valeur réelle, bien qu'elles aient un impact conséquent sur votre vie en général et sur votre carrière en particulier, parce que vous les considérez comme étant vraies. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant, ensemble, modifier ces fausses croyances handicapantes qui vous dévalorisent et qui vous font imaginer le pire vous concernant. Avant cela, je vous rappelle que vous devez avoir impérativement effectué la méditation de la première plage afin de vous relaxer et de vous préparer à ce que vous allez faire dans un instant. Pour commencer, asseyez-vous avec le dos bien droit. Fermez les yeux et respirez profondément en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Faites peu à peu le vide dans votre esprit. Continuez ainsi. Plus vous respirez profondément et plus le vide se fait en vous. Vos pensées se calment, puis disparaissent. À présent, je vous demande de vous sentir rapetissé. Vous devenez de plus en plus petit et de plus en plus jeune, jusqu'à ce que vous ayez à nouveau entre 7 et 11 ans approximativement. Sentez que vous diminuez en taille et que vous retrouvez votre esprit d'enfant. Vous êtes de plus en plus jeune. Vous voici de retour à l'école. La salle est vide. Il n'y a que vous. Entrez, promenez-vous. Parcourez les allées, touchez les tables. Sentez les odeurs, écoutez les bruits, observez le tableau, le bureau de l'institutrice, la boîte à craie ou à stylo-feutre. Montez sur l'estrade s'il y en a une. Laissez vos sentiments et vos souvenirs refaire surface sans chercher à les exacerber ni à les refouler. Permettez-leur d'être tout simplement. Asseyez-vous à la table ou au pupitre de votre choix, peut-être même celui que vous occupiez à l'époque. Prenez quelques secondes pour vous imprégner de ce lieu que vous retrouvez. Votre instituteur ou institutrice entre dans la classe accompagné des autres élèves. Chacun s'assoit à sa place et sort les affaires de son cartable et s'installe. Faites comme eux, puisque vous êtes à nouveau cet élève que vous avez été. Puis, l'instituteur annonce qu'il va rendre les copies du dernier examen fait en classe. Je ne spécifie pas la matière, mais pour de meilleurs bénéfices, je vous conseille de choisir le domaine dans lequel vous étiez le plus faible. Sans doute étiez-vous particulièrement anxieux lors de ces remises d'examen, parce que vous saviez que vous recevriez de mauvaises notes. Mais pour cet exercice, je vous demande de faire le contraire. Ressentez de la confiance, de la sérénité, du calme. Car vous savez que non seulement vous n'aurez pas une mauvaise note, mais qu'au contraire, vous en aurez une bonne. Ressentez cette paix en vous, sachant que vous êtes doué et que vous avez fait de votre mieux pour ce test. Vous êtes parfaitement convaincu du résultat. Faites-vous confiance et ressentez que vous êtes le meilleur. Voyez votre enseignant passer dans les rangs en distribuant ses copies corrigées. Progressivement, les notes augmentent. Observez ses pas alors qu'il va de table en table. Regardez le visage de vos camarades de classe au moment où leur copie leur est rendue. Toutes les notes sont maintenant au-dessus de la moyenne et vous n'avez toujours pas reçu votre copie. Ressentez cette assurance et cette fierté qui vous dominent en cet instant. Vous êtes heureux et confiant. Vous avez la certitude d'avoir une bonne note. Désormais, votre professeur n'a plus que 3 copies en main. Il en remet une à un élève. Puis il s'approche de vous, mais il bifurque au dernier moment pour donner l'avant-dernière à votre voisin de devant. Enfin, il s'approche de vous et vous tend fièrement votre copie en vous disant « Et comme d'habitude, la meilleure note est pour toi. Félicitations, tu m'as rendu une copie parfaite. Tu as compris tous les exercices. » Ce qui n'était pas évident, car il y avait des pièges que tu as déjoués avec perspicacité. Tu mérites largement cette note. Vous vous sentez fier, heureux, sûr de vous. Observez le regard admiratif des autres élèves. Votre enseignant demande à tout le monde de vous applaudir. Les élèves se lèvent et s'exécutent avec sincérité, puis ils viennent jusqu'à vous pour vous serrer la main ou vous donner une accolade. Ressentez l'admiration de vos camarades, ainsi que celle de votre instituteur qui vous fait remarquer à quel point vous êtes doué et intelligent. Entendez-le vous déclarer qu'il a la certitude que vous accomplirez de belles choses dans votre carrière et que tout le monde devrait prendre exemple sur vous. L'école est maintenant terminée. Et vous rentrez à la maison où vous retrouvez vos parents. Ils sont là, assis dans le salon, et vous vous empressez de leur annoncer votre bonne note et de leur montrer votre copie. Vos parents vous félicitent à leur tour. Heureux, ils vous embrassent, ils vous serrent dans leurs bras, ils vous sourient. Écoutez-les vous dire qu'ils sont fiers de vous, qu'ils sont convaincus que vous êtes un être brillant et doué, qu'ils ont confiance en vous, que vous ferez une magnifique carrière professionnelle et que vous obtiendrez toujours ce que vous désirerez. Ressentez cette fierté et ce contentement que vous partagez avec vos parents. Vous êtes léger, heureux, sûr de vous et de vos capacités. Savourez intensément cet instant. Auto-congratulez-vous. Prenez-vous physiquement dans vos bras, faites-le maintenant, allez-y, serrez-vous dans vos propres bras, embrassez votre épaule en vous disant « Bravo !» ou bien « Tu es le meilleur !» ou encore « Je suis fier de toi !» ou pourquoi pas « Ensemble, nous allons faire de grandes choses !» Vous pouvez maintenant reposer vos bras sur les accoudoirs de votre fauteuil. Avant de terminer cet exercice, vous allez créer un nouvel ancrage. Il vous permettra de faire appel, quand vous le voudrez, aux sentiments d'assurance et de fierté qui sont les vôtres en ce moment. Pour le réaliser, vous pouvez par exemple poser votre main droite sur votre bras gauche. Inutile d'appuyer fortement, une simple pression suffit. Placez tous ces sentiments d'assurance et de fierté et d'intelligence dans la pression que vous apposez sur votre bras. Voilà, c'est fait. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que votre ancrage fonctionne. Levez-vous. Allez-y, physiquement, levez-vous. Faites quelques pas, secouez vos bras et vos jambes et rasseyez-vous. Bien. Fermez les yeux et prenez une profonde respiration par le nez, puis expirez par la bouche. Maintenant, reproduisez le geste que vous avez utilisé pour votre ancrage. Normalement, vous devez retrouver cet état de confiance et de fierté que vous ressentiez durant l'exercice que nous venons de faire. Alors, comment vous sentez-vous? Confiant et sûr de vous, j'imagine. N'hésitez pas à refaire cet exercice pour renforcer votre ancrage si vous en ressentez le besoin. À présent, vous avez la possibilité de poursuivre votre travail avec un autre exercice. Dans ce cas, restez assis, les yeux fermés, en respirant profondément. Mais si vous souhaitez vous arrêter ici pour aujourd'hui et profiter de ce nouvel état de confiance, Alors prenez le temps de rouvrir les yeux, tranquillement, sans précipitation. Vous pourrez ensuite vous lever, bouger doucement votre corps et vous étirer.